c'est là que vous le retrouverez. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Sur ses épaules, les fardeaux de l'humanité. Il est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Louez-nous et louez Jésus. Il est mort pour nous racheter. Louez-nous et louez Jésus. Il est mort pour nous racheter. Louez-nous et louez Jésus. pèse joie, amen. Pèse joie, amen. Pèse joie, amen, amen. Qui devons-nous écraser? Qui devons-nous rabaisser? Qui devons-nous rejeter? Qui devons-nous remercier?